Un exposé national des sciences et techniques biologiques s'est déroulé les 23 et 24 à la succursale de biotechnologie de l'Académie nationale des sciences sous les auspices du comité central de la Fédération générale des scientifiques et techniciens de Corée. Y ont participé des cadres scientifiques, techniciens, enseignants et chercheurs des unités d'activité comme l'Université Kim Il-sung et l'École normale supérieure Kim Yong-ji. À l'exposé divisé en sections de biotechnologie, de biologie, de botanique, de zoologie et de microbiologie, ont été présentées plus de 250 dissertations. À la cérémonie de clôture, des prix sont remis suivant le résultat du jury.